Castapiana, tes cheveux bleus, au-dessous roux, tes yeux très durs, qui sont trop doux, ta beauté, qui n'en est pas une, tes seins que busqua, que musqua un diable cruel, et jusqu'à ta pâleur volée à la lune, nous ont mis dans tous nos états, Notre-Dame du Galetas, que l'on vénère avec des cierges non bénis, les avés n'ont plus récité lors des Angelus que sonne tendeur peu vierge. Et vraiment, tu sens le fagot. Tu tournes un homme en nigo, en chiffre, en symbole, en un souffle, le temps de dire ou de faire oui, le temps d'un bonjour ébloui, le temps de baiser ta pantoufle. Terrible lieu, ton galetas. On t'y prend toujours sur le tas à démolir quelques maroufles. Et, des caniers, ses amants, munis de tous les sacrements, t'y pensent au moins qu'à ta pantoufle. T'as raison. Aide-moi donc mieux que tous ces jeunes et ces vieux qui ne savent pas la manière. Moi qui suis dans ton mouvement, moi qui connais le boniment, et te voue une cour plénière. Ne fronce plus ces sourcils-ci, Casta, ni cette bouche-ci. Laisse-moi puiser tous tes baumes, Piana, sucré, salé, poivré, et laisse-moi boire, poivré, salé, sucré, tes sacrés baumes.